Je viens vous trouver moi-même. Comme vous me demandez un entretien particulier, il s'agit apparemment de quelque chose de conséquence. Je n'ai pourtant qu'une question à vous faire. Et comme vous êtes naturellement vrai, que vous êtes la franchise, la sincérité même, nous aurons bientôt terminé. Je vous entends. Vous ne me croyez pas trop sincère, mais votre éloge m'exhorte à l'être. N'est-ce pas? Ah, cela près. L'assurez-vous. Pour commencer à l'être, je vous dirai que je n'en sais rien. Et si je vous demandais, le chevalier vous aime-t-il? Me diriez-vous ce qui en est? Non. Je ne vais point me brouiller avec vous, marquise. Et vous me haïriez si je vous disais la vérité? Je vous donne ma parole que non. Vous ne pourriez pas me la tenir, je ne vous la demanderai pas moi-même. Il y a des mouvements qui sont plus forts que nous. Mais pourquoi vous haïrais-je? Voyons. N'a-t-on pas prétendu que le chevalier vous aimait? On a eu raison de le prétendre. Nous y voilà. Et peut-être l'avez-vous pensé vous-même? Je l'avoue. Et après cela, j'irai vous dire qu'il m'aime. Vous ne me le conseilleriez pas. Hé! N'est-ce que cela? Mais je voudrais l'avoir perdu. Je souhaite de tout mon cœur qu'il vous aime. Bon. Sur ce pied-là, vous n'avez donc à rendre grâce au ciel? Vos souhaits ne sauraient être exaucés plus qu'ils ne le sont. Je vous certifie que j'en suis charmée. Vous me rassurez. Ce n'est pas qu'il n'ait tort. Vous êtes si aimable qu'il ne devrait plus avoir des yeux pour personne. Mais peut-être vous était-il moins attaché qu'on ne l'a cru. Non, il me l'était beaucoup. Mais je l'excuse. Quand je serai aimable, vous l'êtes encore plus que moi. Oh. Et vous savez l'être plus qu'une autre. Plus qu'une autre? Ah, vous n'êtes point si charmée, marquise. Je vous disais bien que vous me manqueriez de paroles. Vos éloges baissent. Je m'accommode pourtant de celui-ci, juste sans une petite pointe de dépit qui a son mérite. C'est la jalousie qui me loue. Moi, de la jalousie? À votre avis, un compliment qui finit par m'appeler coquette ne viendrait pas d'elle? Oh que si, marquise, on l'y reconnaît. Je ne songeais pas à vous appeler coquette. Ce sont des choses qui se trouvent dites avant qu'on y rêve. De bonne foi, ne l'êtes-vous pas un peu? Oui, da, mais ce n'est pas assez qu'un peu. Ne vous refusez pas le plaisir de me dire que je la suis beaucoup. Cela n'empêchera pas que vous ne la soyez tout autant que moi. Je n'en donne pas tout à fait les mêmes preuves. C'est qu'on ne prouve que quand on réussit. Le manque de succès met bien des coquetteries à couvert. On se retire sans bruit, un peu humilié, mais inconnu. C'est l'avantage qu'on a. Je réussirai quand je voudrai, comtesse. Vous verrez, cela n'est pas difficile. Et le chevalier ne vous serait peut-être pas resté sans le peu de cas que j'ai fait de son cœur. Je ne chicanerai point ce dédain-là, mais quand l'amour-propre se sauve, voilà comme il parle. Voulez-vous gager que cette aventure-ci n'humiliera point le mien, si je veux? Espérez-vous regagner le chevalier? Si vous le pouvez, je vous le donne. Vous l'aimez, sans doute. Pas mal, mais je vais l'aimer davantage afin qu'il vous résiste mieux. On a besoin de toutes ses forces avec vous. Oh, ne craignez rien. Je vous le laisse. Adieu. Hé, marquise, me le laissez, pourquoi? Disputons-nous sa conquête, mais pardonnons à celle qui l'emportera. Je ne combats qu'à cette condition-là, afin que vous n'ayez rien à me dire. Rien à vous dire. Vous comptez donc l'emporter. Écoutez, je jouerai un plus beau jeu que vous. J'avais aussi beau jeu que vous quand vous me l'avez ôté. Je pourrais donc vous l'enlever de même. Tentez donc d'avoir votre revanche. Non. J'ai quelque chose de mieux à faire. Ah oui? Eh, peut-on vous demander ce que c'est? Dorante, vous son prix, comtesse. Adieu.